On va commencer par une mort tragique d'un monsieur que je ne connaissais personnellement pas beaucoup. Ah, c'est un cul, toi. Non, mais et alors, ce qui est assez honteux, c'est que je connais beaucoup plus Vladimir Cosma parce que j'ai appris le piano en jouant la boum. Je connais plus Vladimir Cosma, j'ai plus pas de référence. Et passé sur France Inter d'ailleurs. Voilà. Et du coup, nous rendons hommage à monsieur Michel Legrand, qui était un grand compositeur. Le grand. Merci. Et du coup, Nio et Nelson vont en parler, parce que c'est plus leur génération. Hein. Vous êtes de Rochefort, t'avais 10, 8 ans, 10 ans, ouais, 15 ans. J'avais 8 ans. Voilà. Et surtout Nio, qui est un peu notre expert du cinéma français. Michel Legrand, je vais... En fait, beaucoup de gens vont parler peut-être mieux que nous. Je vais faire un peu plus court, mais Michel Legrand, le rapport que j'ai à Michel Legrand, c'est peut-être le même que Nelson. Mmh. Moi, j'ai découvert Michel Legrand déjà tout petit grâce au Cégep d'Albert Barillé, où il avait fait la musique de « Il était une fois la vie » et « Il était une fois l'espace ». Magnifique. Et « Il était une fois les découvreurs » aussi. Par contre, « Il était une fois l'homme », c'est pas lui. C'était simple, c'était la Toccata. Donc, la Toccata pour le générique, c'est un japonais qui a fait plus d'arrangements. Et Michel Legrand, apparemment, il avait juste supervisé un petit peu. Mm. Mais tu sens plus sympa de côté une fois la vie et une fois l'espace, où tu retrouves entre les deux séries des thèmes communs, avec le thème du teigneux, du nabo, même le thème quand il y a une urgence, t'entends le même thème qui se précipite. Et c'est que plus tard que j'ai découvert les musiques qu'il a fait pour Jacques Demy, c'est-à-dire pour les parapluies. Les parapluies de Rochefort. Les parapluies de Cherbourg et les demoiselles de Rochefort. Et un peu, c'est marrant parce que les deux films fonctionnent un peu comme le yin et le yang ou les deux faces d'une pièce. Il y en a un qui. Semblable à demi, quoi. Agnès Varda aime ça. Alors, c'est carrément ça parce qu'il y en a un qui est un drame très triste, qui est les parapluies de Cherbourg, et un autre qui. Pétille, qui est plein de vie, qui est de mener de Rochefort. Mm. D'ailleurs, quand tu regardes ce film, t'es plein de joie. Alors qu'il y a des alors moi, personnellement, qui, moment, personnellement, parce que déjà, je trouve ça un peu badant le fait qu'ils partent chacun de leur côté à la fin. Et même globalement, je ne trouve pas que ça. Enfin, je ne suis pas très sensible aux comédies musicales en général, mais de Rochefort, quand ils commencent à chanter, je trouve ça assez horrible. Personnellement, il pousse sur les octaves, sur les aigus et tout, je trouve que ça rend assez mal. Moi j'aurais apporté des sons que c'est les parapluies de Cherbourg qui t'auraient gêné parce que les parapluies de Cherbourg, du coup, c'est à chaque fois tous les dialogues, ils disent un dialogue et c'est un truc qui est enchaîné comme une chanson du genre je n'ai plus de fromage, tu vois, c'est ça les parapluies de Cherbourg. Tandis que les demoiselles de Rochefort, ils parlent et tout à coup il y a une chanson comme une comédie musicale un peu plus basique, quoi. Tu vois, c'est beaucoup plus dans le. Je teste ma grande cultivation. Le truc qui t'arrive dans un garage à la fin, c'est les Cherbourg. C'est les parapluies de Cherbourg. Oui. Et voilà, c'est ce que je t'ai dit qui se termine mal. D'accord. Tu vois le film, t'es un peu déprimé, tout ça. Voilà. Tandis que les demoiselles, il est beaucoup plus. Beaucoup plus pétillant, beaucoup plus drôle. Voilà. Je connais bien mon sujet. Voilà. Donc voilà, et puis bon, après, Michel Legrand n'a pas fait que ça. La musique de Breezy de Clint Eastwood, c'est lui, entre autres. Breezy. De Clint Eastwood, avec l'histoire d'un homme beaucoup plus âgé qui avec une jeune adolescente. Honnêtement, j'ai vu le film il y a très longtemps, je sais plus si c'est avec elle, je crois surtout que c'est surtout une amitié qui se lie, parce qu'il l'héberge, elle est en fugue, tout ça, il va l'héberger chez lui. C'est toujours, on dirait Pink Cadillac, ton truc. En gros, c'est la route de Madison, mais version star hollywoodienne qui tape des petites jeunettes. C'est la version Jean-Luc Lalanne. Version Jean-Luc Lalanne. J'ai jusque-là. Et un petit mot sur Michel Legrand, qui avait une grande passion, c'était le jazz. Et les disques de jazz, il a pu avoir Miles Davis et d'autres musiciens, tout ça, donc déjà dans les années 50, tu fais « Ah ouais, quand même !» Alors que Miles Davis, il avait travaillé très, très peu avec d'autres personnes, quoi. Cannonball Adderley, il a Miles Davis son album, mais c'est un peu une faveur, mais c'est Miles Davis. En général, Miles Davis, c'était un peu sa bande, il a travaillé... Enfin, tu vois, je veux dire. Donc, il a parlé de mecs de cette époque. C'était une très belle voix aussi, parce que c'est lui qui chante. Moi, alors, personnellement, le seul rapport que j'ai avec Michel Legrand, c'est outre le fait qu'il faisait des apparitions dans les grosses têtes quand j'étais gamin et que c'était un programme qui écoutait beaucoup mon père. Coucou papa. Et ben le truc qui était intéressant, c'était que il avait fait le générique de Oum le Dauphin, qui était un joli dessin animé français. Et oui, il chantait. Dans les années 60, fin des années 60, début 70. Et en fait, le générique est magnifique. Et d'ailleurs, il avait été massacré par comment il s'appelle ce mec déjà, Danny Briand. Ah merde, Danny Briand a chanté Oum le Dauphin. Ouais, c'est, moi j'avais découvert c'est pas très brillant, hein. Ce générique parce que Oum le Dauphin avait été chanté par Danny Briand, quoi. Et en réalité, la version. Déjà de... en soi, Michel Legrand, si tu veux, qui chante Oum le Dauphin, tu. T'as ouais, mais il avait vraiment une très belle voix, tu vois. Il avait une très belle voix. Et en fait, quand il faisait ses interventions à l'époque, donc. Les grosses têtes au tout début avec Jacques Martin, tout ça, il y avait une espèce de bande au tout départ. Et quand il venait à Paris, il passait souvent, il passait chez RTL, il faisait ces trucs-là. Et ils avaient, on trouve sur le net des bandes de ça, où ils font carrément des espèces de freestyle, où il y a Jacques Martin qui se met à chanter, et il y a Michel Legrand au piano, et puis après Michel Legrand il se met à chanter derrière, et tout, c'est impressionnant, quoi. C'est le monteur qui devra retrouver les images. Ouais, j'espère, non, mais si quelqu'un le retrouve, bah, peut-être je vais essayer de le retrouver, mais en tout cas c'est... Donc on peut dire sauver Dany. Exactement, sauver Dany, ouais. Ah, mon dieu. Ça, non, que personne ne le sauve, laissez-le se noyer. Mais on va peut-être terminer sur ça pour Michel Legrand, mais parce qu'il a une carrière immense, il a fait beaucoup de vidéos, tout ça, donc... Ouais. On passerait toute une mission de Michel Legrand. Et il a fini par se marier à 80 piges avec son amour. Avec Macha Merrill. Macha Merrill, qui avait joué par exemple dans Les Frissons de l'Angoisse d'Argento. Ouais. Ouais, la voyante, je sais pas si tu te rappelles au début. Averto una presenza. Io sento la morte. E qui. No! Noi! Je parlais de Michel Legrand au piano. Moi, je me souviens de cette scène dans Cléo de 5 à 7 où il y a Corinne Marchand qui va être au piano. Elle est censée incarner une chanteuse. Et c'est presque le caméo de luxe parce que Michel Legrand, il avait composé pour Une femme est une femme de Godard. Ouais. Il compose pour Demi. Demi, c'est le compagnon d'Agnès Varda. Ouais. Et donc là, il est au piano pour. C'est lui qui joue le rôle du. Un peu comme Gainsbourg quoi, dans les films auxquels il a joué, qui tenait parfois le piano. Ouais. Il compose pour Corinne Marchand dans Cléo de 5 à 7. Et voilà, c'est sobre, c'est beau. Et voilà. C'est du Michel Legrand comme. C'est le souvenir que j'aimerais qu'on garde de lui quoi. Rest in peace, Michel Legrand. Un grand est parti. Un grand est parti. Voilà. Exactement. Mais est-ce qu'il va rester en paix très longtemps? Je ne sais pas, parce que là, je pense qu'il va se retourner dans son caveau, parce qu'on va faire une transition. Attends, il a une transition de la mort. Parce qu'en fait, transition de qualité, j'ai travaillé cette transition. Puisqu'effectivement, Michel Legrand, il a fait été une fois de l'espace. Mais oui, je l'ai dit. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et du coup, c'était Club Dorothée, années 90, tout ça. C'est pas... voilà. Non. Ah non, justement, ça ne passait pas en Club Do. Ouais, c'était sur la 3 ou sur la 4, hein, donc reste tranquille. Et donc, toute cette époque-là, c'est ce qui revient avec nostalgie, avec un film qui a laissé beaucoup froid, de la chaux. Oh là là, oh là, là. Ça qu'on... Warning. C'est ça qu'on voit les grandes plaques, c'est que j'en ai à quel âge. Et j'ai, donc, honte. J'ai honte de rire à ce truc. Et donc, en hommage un petit peu aussi à Michel Legrand, on va parler de Nicky Larson. En hommage à... Allez, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, sachez qu'on aurait pu faire une spéciale Nicky Larson parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va commencer par Nio. Non, peut-être par Nelson qui a parlé un peu moins riche que moi. Ouais. Très marrant. Il y en a beaucoup qui se sont déchaînés sur la bande-annonce. Moi, la bande-annonce, je ne l'ai pas vue. Volontairement, j'ai pas voulu la voir. C'est ce que je fais aussi pour plein de monde. Voilà, c'est ce que je fais aussi parfois pour... Tout le monde a massacré là-dessus. Voilà, et le... Oh bah, je crois qu'on l'avait déjà massacré dès le départ quand il a fait la première photo. Oui. La photo du script où il y avait marqué Nicky Larson par Philippe Lachaud. Oui. Tout le monde a fait what? quand on a vu le premier poster où on le voyait de dos avec, c'est ça. Avec la mini, tu vois. Donc, chaque étape de la pré-promo a été une soigneusement et donc lui, il a soigneusement haï. Voilà, et lui a répondu à ça par en fait une campagne de censure. Non, mais pas une campagne, non, c'est-à-dire c'est d'avant-première, mais bien en amont. Tu vois, genre de un mois et demi avant, et je crois que les premières ont commencé fin décembre. Et on a commencé à voir donc des premiers retours où les gens disaient bon, ça va, c'est pas si catastrophique parce qu'en fait, ça passe. Voilà, c'est ouais, David Goudenov, tu vois, oh, ça va. On va tous faire ça, tu sais. Qu'est-ce que tu vois? Vous avez pensé quoi de Nicky Larson? Ouais. Ça va, c'est pas ça. Ça va, c'est rien. Ça, c'est une super image de miniature. Mais juste Nicky Larson. Si tu veux mettre ça pour YouTube. Non, mais le truc en fait, c'est quoi? Voilà, tout le monde s'attendait à ce que ce soit le Dragon Ball Evolution bis. Oui. Ah oui, il y a du niveau là. Voilà, tu vois, ça se casse vraiment la gueule. Or, ça n'est pas simple. Le truc, c'est que oui, c'est pas ce nanar ultime. C'est une adaptation de Nicky Larson de Club Dorothée. C'est ça. Et pas de City Hunter de Hojo. Oui, après, mais c'est bien pour ça que ça s'appelle Nicky Larson, justement, et pas voilà. City Hunter le film. Voilà, complètement. Après, on n'a pas le doubleur qui va dire Mamut, t'as fait un bobo. Mais bon, c'est dommage. Mais Dorothée, ouais, par contre, voilà, il y a des clins d'œil à droite. Il y a tout un tas de clins d'œil dans tout le truc. Que c'est bien, c'est cool. Moi ça m'a pas fait rire personnellement, j'ai pas beaucoup ri en fait. Tu as ri trois fois, tu m'as dit. Ouais, j'ai ri trois fois parce qu'en fait, si tu veux, moi j'avais vu Babysitting 1 et 2 et j'avais plus rigolé en regardant Babysitting 2 qu'en regardant 1, et là je m'attendais à un truc équivalent et je retrouve pas ça, donc du coup j'ai du mal. Mais tu verras plus sur Nicky Larson 2. peut-être s'il le sort et s'il se fait un crossover avec 4-16, mais le problème de ce film en fait c'est l'interprétation, c'est ça le terme. C'est l'interprétation. Et en fait le problème c'est que l'interprétation de Philippe Lachaud, quand tu regardes le personnage, parce que donc c'est tiré de la série, donc le personnage de la série il fait 15 000 gueules et tout, il est toujours il a toujours des expressions de ouf. Et là Philippe Lachaud il a une seule expression de tout le film. Il est comme ça, tu sais, genre tu sais. Oh, je comprends pas, foncer les sourcils et tout. Donc toujours la même gueule. Et c'est ça qui est problématique, c'est que lui, il est capable de sortir des tas de tronches différentes que tu vois dans tous ses autres films avant. Et là, il est pas capable, il reste sur un seul truc. Il y a les personnages qui sont totalement... Enfin, il y a des personnages qui sont pas du tout utilisés. Le personnage de Hélène, donc ça écho dans l'original. C'est sa copine. Non, c'est la keuf qui est toujours habillée sexy. Ah. Et ben, elle fait 3 minutes dans tout le film. Et je trouve ça dommage, tu vois, elle aura pu l'utiliser davantage. Mais le film, il est pas long, le film, il dure à peine 1h30, je crois. Il dure à peine 1h30, mais le problème, c'est que... voilà, mais le problème, c'est justement... Donc moi, le rythme, il n'y a pas trop de tombage. Bah si, il y a un problème. C'est qu'à un bout d'un moment, moi, je me suis dit qu'ils avaient rajouté un quart d'heure de plus, quoi. Parce que moi je pensais qu'il faisait 1h45 le truc, tu vois. Ah oui. Il y a un trou d'air à partir du moment où il rentre dans le défilé de mode. Et il y a un gros trou d'air, il y a des séquences qui servent à rien, notamment une, je spoil, je m'en bats les couilles. Il essaie d'appeler Didier Bourdon et le mec il le remballe un peu et le gars il se met à être pas bien, genre il y a une musique derrière, la musique de Lara Fabian, je t'arrête. Mais putain, coupe. Tu vois. Et les séquences où ils surexploitent Pamela Anderson. Ce parfum inodore provoque chez celui qui le respire une explosion de l'attirance émotionnelle. On veut la voir juste parce qu'elle est là, alors qu'en fait si on peut la faire jouer, hein, je veux dire, ouais. même si ça n'a jamais été une extraordinaire actrice, on peut la faire jouer. Mais et le problème c'est qu'on se contente de la mettre là, quoi, tout le temps, donc... C'est un super fantasme de gosse quand même des années 90, je me dis, je vais faire Pamela Anderson et voilà. Les mecs inconnus, quoi. Et c'est là le problème, c'est là le second problème du film, en fait, c'est que le mec, il a pris... Tout ça, en fait, c'est qu'il s'est fait... C'est un immense fanfiction. C'est un fanfiction avec comment on appelle ça avec un cosplay. Avec des moyens. C'est un fanfiction avec des moyens, en fait. Comme tous les autres fanfictions qu'on voit sur le net, notamment ceux de 4-16 qu'on trouve encore sur Dailymotion, où il y a un peu plus de moyens. Et t'as des explosions, des machins. Mais voilà, après, le souci, c'est que le mec, il te rajoute à ça tout un tas de trucs qu'il a fait kiffer quand il était petit. Mais qui n'ont pas de c'est des private jokes, quoi. Voilà, des private jokes, des trucs comme ça qui s'imbriquent si t'es pas trentenaire, tu comprends pas, t'es détaché, à la fin le truc pour toi c'est une comédie grasse, tu vois. Après t'as des bonnes idées, moi j'ai même trouvé des bonnes idées dans la production design, mais à un moment dans il y a une séquence dans une casse auto et la bagnole est soulevée et en fait tu regardes les tags, t'as une espèce de grand graphe qui sont sur les murs et t'as le corbeau, t'sais, espèce de corbeau qu'on voyait à chaque fois quand t'es sûr que t'as vraiment fait attention au film, t'as pas regardé les détails à chaque fois. Mais non mais tu sais moi j'ai regardé un peu partout et donc t'as des trucs comme ça qui sont super intéressants. L'œil du technicien. Voilà, t'as des trucs dedans qui sont super intéressants et tu trouves ça sympa, mais le problème c'est que y a trop de personnages, il y a des personnages qui servent à rien. Rim Kirissi, malgré qu'elle a des seins magnifiques. Elle sert à que d'un. Et qui ressemble à Rose Valley. Parce Valérie. Que Rim Kirissi, c'est la vieille copine de la bande. Ouais, voilà, mais elle en plus de ouf, moi j'ai cru que c'était l'actrice porno française Rose Valéry. Rose, si tu m'écoutes, bonjour. tu vois, moi j'ai cru que c'était elle, toi. Moi j'ai cru que c'était elle, et en fait, elle lui ressemble vénère. Mais elle sert à rien. Le méchant sert à rien. Il y a plein de trucs comme ça. Voilà. Nio, qu'est-ce qu'on a pensé? Eh bien moi je serais l'aspect bon public du... L'aspect gilet léger. Non, j'ai pas vu la chronique gilet léger. Ah mais il a bien kiffé. Allez, j'ai à voir. J'ai déjà pensé juste que lui il a à peu près 30 ans, il a 90 tous les deux, et en âge cadet t'as 210 ans. Ouais, je sais, ouais. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas les années 90, c'est parce que ça fait partie de la moitié de mon âge. Bah écoute, en fait je rebondis sur un point que t'as mis, effectivement ça s'adresse au public, en bonne partie du public du club d'eau. Complètement. Moi il m'est arrivé de regarder le club d'eau sans être fan. Il y avait 2-3 trucs que j'aimais bien regarder, comme justement Radma et demi, et Nicky Larson de temps en temps. Et puis souvent un peu. Allez hop, je vais revoir Luis 31 et d'autres trucs, puis passer à d'autres chaînes. Mais du coup, je me suis un petit peu retrouvé là-dedans et comme j'étais pas trop non plus fan du club d'eau, je me suis pas non plus retrouvé tout le temps quoi. Mais après, j'ai rigolé un petit peu, j'ai souri, et peut-être que comme beaucoup de gens, évidemment, je m'attendais à pire, donc j'ai fait « Ah, bah c'est pas si mal ». Donc voilà quoi. Après, c'est clair que quand on va faire le bilan 2019, je suis pas sûr que Nicky Larson soit dans le bilan des meilleurs films de l'année, quoi. Mais en plus, franchement... Mais pour débuter l'année, c'est un bon petit film pour débuter l'année, quoi. Mais ça t'a pas... Les répétitions de gags, ça t'a pas fait chier? Le truc du parfum, ça t'a pas fait chier? Non, le truc du parfum, le truc des... Comment ça s'appelle Non, mais là, c'est on voit ton œil technicien, ton technicien, technicien, Larson. C'est même pas une question de technicien, c'est même pas une question de technique à ce niveau-là. C'est une question que le truc, quand tu regardes, ok, tu comprends que le parfum il est magique. Oui. Tu comprends une fois, deux fois, au bout de la quinzième fois, t'auras plein de cul. Bah, je pense que le spectateur basique ne se pose pas ce genre de questions. Et moi, je suis allé sans trop analyser ni rien, un peu de questions, quoi. Mm-hmm. En fait, j'en attendais rien. Mais moi aussi, j'en attendais que dalle. Mais quand, au niveau d'expectation, c'est une comédie française basique mélangée à du Dragon Ball Evolution, effectivement, c'est forcément une bonne surprise, quoi. Alors, toi, tu connais le cinéma de la chaude, t'as cité Babysitter 1 et 2. Moi, j'en ai vu aucun. Ouais. Donc, du coup, j'étais encore plus vierge du côté de l'esprit, quoi. Alors, je trouve qu'il y a des gars qui sont un peu lourds. Ouais. Je pourrais pas les citer, tu peux peut-être en citer, mais. Non, mais ça fait genre du mot à la con qui passe bien chez moi. Grand fan des nuls avec le jeu de mots à la con. Ah non, mais je sais pas. Mais j'ai vraiment des clients en plus de ce genre de mots. Mais pourtant, moi je suis client de ça, tu vois, et j'étais pas du tout. Tu vas être le principal client. J'étais pas du tout dans le truc, quoi. Après, mais c'est pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est les jeux de mots que tu fais tous les jours. Est-ce que t'es prêt à payer 10 balles pour aller les voir, quoi? Donc. Bah non. J'ai une carte Non, il y avait... Non, j'ai bien payé 10 balles pour aller voir Safari. Le mec, il avait dit c'est un homme de fer d'acier et j'ai rigolé. J'ai rigolé, ça n'a rien à voir, madame. Voilà, je crois qu'on va entendre les gens. On va tout entendre ce soir. Vas-y. Donc, non, mon avis sera peut-être un peu plus basique, quoi, pour Nicky Larson, quoi. Comme je t'ai dit, c'est sympa. J'ai rigolé un petit peu. Il y a des gars que j'ai trouvé lourds. Et puis il y a d'autres trucs, les petits clins d'œil, tout ça. Hélène, je m'appelle Hélène, ça m'a pas gêné. Même spoiler, on retrouve même l'inspecteur Gadget. Ouais, mais pareil, il revient jamais après, il est pas introduit. Même le personnage. Alors attends, enfin, tu regardes beaucoup trop de porno, tout le monde n'a pas besoin d'être introduit tout le temps. Coquille, man. Il y a un personnage, par exemple, il y a un personnage qu'on voit dans la séquence façon Hardcore Henry en vue subjective. N'en dis pas trop. Oui, bon bref. Mais tout le monde l'aura vu, de toute façon, on s'en fout, on se spoil. le temps qu'il sorte, tout le monde l'aura vu. Ou téléchargé. Ben, voilà, ou téléchargé. Et donc t'as une séquence. Ah non, cette fois je suis sûr qu'on aura moins de 6 mois de ménage. Hein. La séquence Hardcore Henry, et t'as un moment, t'as un personnage qui est là, on sait pas qui il est en fait, le mec c'est un truc lambda, c'est-à-dire les deux seuls qui parlent c'est, comment il s'appelle, Jérôme Le Banner et l'autre qui ressemble à Kéron, et c'est tout, et lui il parle pas. Kéron quoi. Ouais, et moi j'ai cru que c'était Kéron. Carrément. Donc quand il se repointe, et il sert à rien. Voilà, quand il se repointe à la séquence de course-poursuite avec le lit, moi j'ai regardé le mec, mais c'est qui ce mec? Qui c'est? Ah oui, là t'étais complètement... Ouais. Moi je t'ai promis, mais quoi... c'est qui ce gars? Et je l'ai reconnu quand même. Et c'est après, mais c'est loin. C'est après. Le coup du cible, quand même, tu reconnais que c'est le gars-là avec le coup du cible. Quoi. Mais non, justement. Non. Ah ouais. Je l'ai pas reconnu. Je suis là, je dis, même la deuxième fois, je me dis, ah, il est là. Et voilà pourquoi notre chien doré n'a pas trop... On refait une spéciale Philippe Lachaud lorsque tu te sens prêt à décortiquer chaque... Ah merde, putain, ça va. On dit que j'étais beaucoup plus court. Non mais bon, vraiment la seule chose que je dis, c'est que les personnages, il y a des personnages qui sont pas du tout introduits, il y a des personnages qui sont là, mais qu'au final ils servent à que dalle. La femme tatouée, j'aurais bien aimé l'avoir un peu plus. Ah, je suis d'accord. Et pas seulement pour ses seins. Mais tu vois, il y a un autre truc, même le méchant, tu vois. Même le méchant, j'aurais aimé le voir un peu plus. Et là, t'as pas ça. Mon avis, c'était cool. Et toi, ton avis, ça sera bouf. Ouais, très bof. Bouf. Très, très bouf. Voilà. Who's a good boy? Who's a good boy? Parce qu'il y a aussi d'autres films qui sont sortis en ce début d'année. Oui. Très bonne transition. Ta-da. Donc voilà, maintenant qu'on a cassé un peu la glace avec la show, voilà. À chaque fois qu'il y a une bonne blague, tu pourras faire, tu sais, comme le jingle, tu pourras faire ça. Il a ça, Ardisson. On va faire l'Ardisson du pauvre. Voilà. Donc, du coup, pendant des années, Samuel Jackson, il voyait Shyamalan et lui demandait une suite avec son motherfucker habituel. Et finalement, il a fini par faire sa trilogie. Shyamalan, en plus, avait effectivement une suite en tête, mais... À l'époque, il n'avait pas forcément, l'idée de la suite, quoi. Ça ne devait pas être une trilogie. Il y avait déjà une deuxième partie, mais il ne savait pas comment boucler le truc. Là aussi, on est un peu dans le recyclage hein, de ce qu'il y avait avant. C'est juste inverse de Kill Bill. C'est juste inverse de Kill Bill parce que Tarantino a toujours dit qu'il voulait faire un film 15 ans après et qu'il faisait exactement quoi tourner. Finalement, il l'a pas fait. Ça faisait penser à ça. Les Shyamalan avait déjà écrit l'histoire depuis un bon temps, quoi. Ah, ça je savais pas. D'accord, et du coup, 19 ans, il y avait 19 ans pour en arriver à, voilà. À une bonne vieille théorie du complot. Non, il est mis. Alors, t'as vu l'histoire, sérieux, il l'a pas depuis 19 ans ce truc là. Non, c'était pas la théorie du complot qui était fait au début, ça devait être un truc beaucoup plus bourrin. Et ah ouais, mais entre-temps, déjà, c'est bourrin quand même. Entre-temps, il y a les Marvel qui ont émergé tout ça, après un casse tout ça. Et toi qui as vu Glass, toi tu es d'accord avec moi qu'il a fait évoluer son propos vers plutôt un truc. Moi, je vais pas spoiler, on va pas faire comme Nelson. Moi je trouve le Glass, je trouve très pessimiste. On a l'impression d'un mec qui a vu tout ce que Marvel a fait entre-temps et pour l'impression qu'il me laisse Shyamalan, c'est vous avez complètement pourri le genre de super-héros, moi je vais essayer de leur donner quelque chose d'autre qui puisse... Encore un peu surprendre le spectateur que de faire des combats à 20, etc. Tout ça. Clairement, ça a toujours été le côté un peu auteuriste des films de super-héros. La plupart des gens, même encore. Même des films de Shyamalan, quoi. Toujours le twist habituel. Ouais. Mais je trouve que c'est beaucoup plus in your face le twist de Glass que par rapport aux autres. Généralement, c'est un peu plus subtil. Là, c'est vraiment. C'est vrai. Après, Shyamalan, par exemple, le village, il y a double bizarre, twist. Il y a double twist dans le village, par exemple. Je sais pas ce que je veux dire. Il y en a un seul, c'est-à-dire qu'il sortait... Ah oui, parce qu'il n'y a pas de monstre. Oui, donc. Oui, oui. On dit qu'ils sont foutés, c'est pas... Il n'y a pas de monstre, et en plus, ça se passe dans mon contexte. Voilà, t'as double twist. Tu comprends qu'est-ce que c'est que la bestiole en question, et tu comprends encore l'autre truc à côté, qui est en fait une critique communautariste de l'Amérique, tout ça. Tout comme Glass, c'est à nouveau une critique, mais plutôt une relecture du genre de super-héros, comment il a évolué, etc. Voilà. Ouais, tout à fait. Et ça confirme quand même que Shyamalan, plus tu donnes un gros budget, plus c'est de la merde. Quoi. Alors, j'essaie... Non, mais... Mais son film avec Will Smith était vraiment pas top, c'était un gros blockbuster. After Earth. Ah non, c'est l'autre, c'est pas... After Earth, son fils. Et non pas After Earth. Et même Avatar, c'est assez effroyable aussi. Et je crois vraiment que. Avatar, il est fait pour son gosse, apparemment. Il y a vraiment un cinéma-touriste qui est pas du tout dans l'action et qui se prête très bien des petits budgets. Ouais, mais écoute, Incassable, pour l'avoir revu, je sais pas si ça va être le mot de la fin, on peut passer à autre chose, mais j'avais revu tous les films pour faire le lien. Incassable, moi ce qui m'a surpris, c'est les cadrages, tout ça, les grands plans et cette scène iconique de Bruce Willis dans la voûte du stade. Et bien, il y a plein de plans hyper iconiques, hyper travaillés dans Incassable. Et quand tu vois son cinéma après dans les années 2010, tout ça, avec Split et les budgets plus réduits, avec les cadrages maintenant plus réduits, avec les unités de temps beaucoup plus, comme si on n'a pas le moyen d'avoir plusieurs lieux, etc., on n'a pas le budget. Moi je trouve qu'on a perdu de la grandeur, tout ça, quoi. Après j'aime bien les films, mais quand tu vois Incassable et ensuite que tu vois Split et Glass en même fouet, tu fais ouais, tu perds un peu le côté grandiose et lyrique, quoi. Bon, non, Bruce Willis qui se noie dans une flaque d'eau. Et tu gagnes Bruce Willis qu'on n'a plus rien à faire depuis plus de 20 ans, quoi. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On va pousser un Creed de joie avec un film de qualité. Qualité. Qui est en fait le même film depuis la nuit des temps, quoi, j'ai l'impression. If we don't do what we love, then we wouldn't exist. It's time, kid. C'est ultra méga prévisible et ça marche toujours. C'est-à-dire que j'étais avec une spectatrice et elle était comme ça. Elle était comme ça. Il y a toujours cette tension qui marche. Et qui est-ce que c'est une spectatrice avec nous? Non. Ah. Non, mais même, c'était assez marrant. Il y avait une fille, il y avait ici une fille à côté de moi qui vivait le truc, qui était vraiment cramponnée à son siège et tout. Et après, je la voyais, allez, facile, tu peux le faire. Alors, c'est ça, le plan drive de Godi, c'est d'emmener les filles voir Creed 2 parce que c'est un bon moyen. Et puis après, elles mettent pas la main à la jambe et elles mettent plus bas. Mais mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Allez, arrête de me laisser, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est toujours la même recette. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à dire? Il y a toujours Sly qui rempile. Deuxième film en moins de deux mois avec Dolph Lundgren. Pourquoi c'est Aquaman. Ah, Aquaman, je ne l'ai pas vu encore. Ouais, c'est vrai, il y a Dolph Lundgren dedans. Est-ce que tu penses qu'il a, il y a un revival de sa carrière? Faut voir parce qu'en fait, juste avant, enfin, il y a peut-être deux ans ou un, c'est deux ans. Il a aussi sa carrière. Ouf. Il faisait des petites apparitions dans Johnny Mnemonic, qui il faisait un espèce de... Moi je l'ai vu dans la série Arrow. Il y a aussi. Une nuit à Soldier, ouais. Non, il faisait des guests en fait. Soldier, il a fait le 3 et le 4 aussi, non? Aussi, ouais, il faisait des petits guests dans des séries qui avaient fait son succès, ou alors dans des... comment on appelle ça, dans des films comme ça. Mais il n'avait pas... Vraiment, c'est vrai que le retour, son grand retour, ça a été Expendables. Mais maintenant il refait il fait des petites apparitions dans. Dans Aquaman, il a un vrai rôle qui a rien à voir avec ce qu'il a fait avant. Hein. C'est ah ouais, pas... je sais pas. Pour le coup, en fait, il joue un roi sous-marin. Il joue le père sous-marin. D'accord. Mais il est tellement bien grimé, je me dis waouh, c'est Dolph Lundgren, j'ai pas connu tout de suite, quoi. En fait, moi j'étais Creed, j'avais bien aimé le premier, avec justement j'ai tout un sentiment de film de redoudou dont je parlais tout à l'heure. Et le truc c'est que j'ai beaucoup plus aimé le 2. Pourquoi? Parce que le 2, bon, c'est une version améliorée c'est un add-on en fait de comment ça s'appelle, Rocky 2. Mais Rocky 2.0. Voilà, Rocky 2.0, mais il y a un truc très intéressant. C'est que là, ils n'ont pas glissé dans les mêmes erreurs que dans le premier, à savoir de travailler encore davantage le personnage de Rocky. C'est bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, tout ça. Bah après, là, c'était son premier film où il passait vraiment le relais. Donc, ouais, il devenait vraiment... l'entraîneur, il devenait Mickey et tout. Mmh. Et donc. Puis dans Creed, il était vers la fin, le mec. Moi, j'étais persuadé qu'il serait pas dans le 2, tellement il était prêt à claquer dans le 1. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Oui, pas dans le 3. Le truc qui est intéressant, si tu veux, c'est que là, ils ont travaillé les thèmes donc, qui étaient déjà présents dans le 2. Mais il y a un truc qui m'a vraiment intéressé, c'est le personnage de Drago. Et ils ont d'habitude, tu sais, là, d'habitude, pour tous ceux qui ont vu des Rocky avant, le personnage, donc le protagoniste, le mec, complètement inhumain, quoi, il n'a pas de. Voilà, il n'a pas de vie, il n'a pas de truc, on ne sait pas ce qu'il fait, il fait que passer son temps à s'entraîner, à frapper dans des trucs. Ah, c'est un boogeyman, quoi, voilà. Il n'a pas de. Ouais, c'est sûr. Exactement. Et là, dans celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont penchés sur le personnage de Drago. Le personnage de son fils. But they don't know is the bullshit, the drama, the guns, the armor, the city, the farmer, the babies, the mama, the problems, the things we use to solve them. Yonkers, the Bronx, Brooklyn, Harlem. Somebody stop, please. Somebody come and get me. Little did I know that the law was riding with me. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong, the right, it's gone. Et donc du coup, y a, même si ça fait en tout et pour tout 10 minutes dans le film, oui. C'est intéressant parce que ils ont réussi à créer un truc qui fait que on a de l'empathie pour Drago. Moi j'avais de l'empathie pour Drago, je me disais putain mais merde le mec il a tout perdu et non seulement il a tout perdu mais en plus de ça t'as tout perdu, t'es obligé de rester au bled et en plus de ça tout le monde te crache à la gueule quoi. Et la seule manière en fait qu'il a de se racheter lui, de se racheter une réussite, c'est justement d'entraîner son fils, à la dure. Et quelque part, le fait qu'il revienne, et quand il revient, quoi, la séquence où il arrive dans le restaurant, moi j'étais sur le cul, quoi. Il y a une bonne tension. Hein. Tu vois, il y a une tension, il y a un truc. Et puis aussi, ça déconne pas la Russie. Hein. Tu perds un combat, tu finis à entraîner, à battre avec des chiens errants, quoi. C'est ça. c'est un vrai but bonhomme. Et ce qui est fou, c'est, toi, tu vois, le personnage de Drago, surtout comment il est interprété par Dolph Lundgren, et tu vois le mec fatigué, t'as le gars fatigué mais qui a envie encore de se battre parce qu'il a tout perdu, qu'il veut remonter, c'est comme si c'était lui qui remontait sur le ring, tu vois. Ouais. Et le fait d'avoir fait ça dans le film fait que ça apporte un rythme en plus et que t'as envie de savoir qu'est-ce qui va lui arriver, tu vois. Et même la fin, quand moi j'étais là sur le cul, je me dis mais putain, ce qui est prévisible et en même temps ce qui est surprenant, c'est que ce soit Dolph Lundgren qui jette l'éponge, tu vois. C'est qu'il a quand même plus son fils que la victoire. Parce qu'il a vu la meuf partir, qu'il a vu le gamin, mais que le gamin il veut pas lâcher l'affaire, tu dis, c'est lui qui va lâcher l'affaire. Parce qu'il a pas envie justement de perdre son fils, qui est la seule chose qu'il a. Et ça je trouve que implémenter ça dans le film fait que ça fait partie de la réussite du film. Et moi j'ai vraiment aimé ce film-là pour ça. Et franchement, c'est pour ça que je préfère carrément Creed 2, malgré que c'est un film gros doudou. J'ai carrément aimé Creed 2 par rapport au 1, juste pour cette raison. Il y a aussi que Creed 1, j'ai vraiment beaucoup de mal à acheter la carrière du fils d'Apollo. Quoi. Ouais, parce que. Je trouve qu'il passe quand même vachement vite hein, en poids lourd expert, alors que c'est un télo à la base et qu'il ouais, est éliminé du mètre. Justement. Parce qu'il y a trop d'incohérences dans le fait que c'est un mec qui bosse à la bourse, qui est trader et qui va faire des combats. En même temps, ça rappelle pas mal les films des années 80. T'avais toujours un mec qui disait du jour au lendemain hey, je vais me mettre au judo. Et du coup, il gagnait le tournoi après 2 semaines d'entraînement intensif. Mais quelque part. Oui, c'est un peu dans le délire de l'esprit shonen des mangas, en fait, dans le truc de Nicky Larson. Tu peux la faire, Naruto. Je veux devenir champion. Ok. Ouais. Ça reste à voir, ça. J'aime beaucoup, beaucoup ces méthodes d'entraînement. Ouais, ça me rappelle le coup des moines Shaolin qui se mettent des briques dans les couilles, quoi. Oui. C'est n'importe quoi. Le mec, il est vite complètement. Le mec, il va dans le désert, qui fait pourquoi. Avec les boxeurs, tu sais, les boxeurs, c'est comme dans un DBZ, quoi. Ils ont vraiment leur salle d'entraînement. Ouais, les meilleurs boxeurs, ils se mettent là pour se ressourcer. C'est con, dedans. C'est excellent. C'est post-apo, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, c'est en mode post-apo, c'est ça que je veux dire. Mais c'est intéressant comment c'est mis en scène. Et je trouve que c'est moins pompeux que Creed 1. Dans justement, le montage. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sérieux. Les training montage, c'est moins pompeux. C'est plus épuré. Donc voilà, moi je trouve que ce film-là est une réussite. J'attends pas le 3, vraiment pas. J'espère qu'il n'y en aura pas un 3ème. Tu sais très bien qu'il y en aura un 3. Ouais, mais tu vois, et curieusement, même s'ils ont mis en retrait le personnage de Rocky volontairement, je trouve que c'est une très bonne conclusion en fait. c'est une très bonne conclusion. La fin, le fait qu'il retrouve son fils et que, en plus, ce soit Milo Ventimiglia qui jouait déjà dans Rocky 6. Voilà, le fait qu'on conclue là-dessus, je trouve que ce film est une réussite. Pour introduire un nouveau personnage à ce point de l'évolution de la franchise, faut être vachement sûr de soi et sûr de l'impact possible sur la franchise. J'ai bien aimé le film, mais ce n'est pas transcendant. J'ai surtout l'impression d'avoir affaire à un autre épisode de série, dont le showrunner n'en pourrait plus. Le film est sympa, son petit côté 90 dû à l'époque dans laquelle il se déroule est assez mignon, si on a vécu cette décennie en tout cas, parce que les références sont fun. Mais j'ai passé tout le film à attendre quelque chose qui fasse un vrai impact émotionnel. Les scènes d'action sont bien faites, mais pas folles. Les surprises scénaristiques molles du genou également. Néanmoins, le film n'a pas vraiment de gros défauts et j'ai surtout l'impression qu'ils ont fait ce film uniquement pour expliquer ce qui se passera dans le prochain Avengers. Et du coup, il lui manque quelque chose de propre à son personnage dans le ton du film. Le genre de truc qui fait qu'on a aimé les autres films solo des Avengers. Il y a juste une petite impression de creux, quoi. Captain Marvel ? Eh bien, bien, sans plus. Des recettes éculées déjà vues, et l'impression d'un film qui arrive comme un cheveu sur la soupe, du genre « Attendez, on avait un plan B top cool contre Thanos !» Et paf, on te rebalance un personnage ultra cheaté, surpuissant. Donc, dur de ressentir, après coup, une quelconque empathie pour une super-héroïne qui n'a aucun point faible et qui s'avère des plus lisses. On notera toutefois un humour toujours assez cool, un Samuel L. Jackson étonnamment relifté, et puis un chat. Le meilleur perso de l'univers Marvel. Si, si, lâchez-moi avec votre peluche de Groot, hein. Voilà. Bon, sinon c'est tout, et c'est bien faible. Alors, j'étais pas du tout pour au début. Aller voir ce film m'emmerder au plus haut point, et finalement, c'est une très agréable surprise. Malgré un scénario sans grandes originalités, puisqu'il colle beaucoup à l'œuvre originale de Disney, le film, dans les mains de Tim Burton, est une fable légère, l'humour y est présent, les acteurs sont justes et on y revoit les anciens des films de Burton comme Danny DeVito ou Michael Keaton évoluant dans un monde steampunk très agréable visuellement. J'ai passé un très agréable moment devant ce film. Le film a mis des plombs pour sortir, et j'avoue que je suis pas du tout déçue. Émotionnellement, c'est très fort, et le casting, en dehors du fait qu'il aligne des noms affolants sur 3 km de long, est parfaitement logique. Évidemment qu'il fallait choisir Kit Harington pour le rôle de John F. Donovan. Il a le romantisme et la mélancolie nécessaires, aussi bien physiquement, par exemple, il colle très bien l'esthétique soignée de certains plans, que dans son jeu. En plus, il a sûrement connu des moments que le personnage principal a lui-même connu. Et le tandem miroir, sans jamais qu'ils se rencontrent, construit avec Jacob Tremblay, est très bien dosé également. Le jeune Jacob est très impressionnant. Mes réserves, ce serait plus sur Natalie Portman en mère célibataire, loin d'en faire une icône cute ou glamour. Ça c'est déjà un bon point. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont eu du mal à la faire ressembler à n'importe quelle maman devant cumuler travail et élever son enfant seul. Elle a presque un look hors de l'époque où elle est censée être, comme s'il fallait absolument la rendre un chouï kitsch. Ma deuxième réserve, ce serait plutôt sur le personnage de Tandy Newton. Elle est le personnage de Ben Schneider, que ça fait plaisir de voir depuis l'excellent Pride, et qui joue la version adulte du personnage de Jacob Tremblay, ne sont que des conducteurs pour amener le récit. Du coup, leurs personnages sont un petit peu renforcés par des traits de caractère un peu surfaits. Mais autant ça passe bien chez Ben Schneider, autant tout ça est un peu déstabilisant chez Tandy Newton. Bref, en tout cas, préparez vos mouchoirs pour le voir. Agréable surprise que ce film de Antonin Baudry. Malgré un scénario un peu bancal, malgré certains acteurs qui en font des caisses, et d'autres acteurs qui sont simplement des erreurs de casting, l'ambiance de guerre est prenante, le film va jusqu'au bout de son idée, et je trouve ça couillu. Un bon point pour François Civil en analyste sonore, un bon point aussi, et c'est une agréable surprise pour Mathieu Kassovitz en haut gradé de la marine. Une agréable surprise que ce film. Générique Arte. Tu peux lancer le blind test. Alors, premier. Arte. Alors, c'est un spécial Michel Legrand, bien sûr. Ah Michel, vas-y. Nous avons où le dauphin? Moi, je comprends déjà de moi le dauphin. Si j'avais su, j'aurais fait. Tu sens que je vais pas mal briller. Merde, attends. Dans le bourg. Pas plus Cherbourg, de moi c'est de Rochefort. Les passagers. La carte match pro. Exactement. Eh, vous papotez, il l'a trouvé. Oui. Hein. C'était quoi? La carte match pro. Thomas Crown. Ouais, je préfère l'instrumental, c'est encore plus beau l'instrumental. Avec Thomas Crown? Non, l'original avec Steve McQueen. Ah, j'ai pas vu ça. Mais c'était le film qui détenait le record du baiser le plus long au cinéma. Et il y a une scène de séduction. Hein? Je sais plus, mais ça faisait un bon bout de temps, quoi. Bah, pendant longtemps, ça a été sur l'affaire Thomas Crown, mais faut voir si... Bah, une scène de séduction, et Steve McQueen, il séduit Faye Dunaway avec une partie d'échec. Tu vois, avec le sous-entendu, avec le pion qui se rapproche, qui... Bon, voilà, tu vois, le truc fait... Ah ouais. Et à l'époque, on avec tout sous-entendu, etc., on osait bien, quoi. Ouais. Maintenant, on montre tout, tu fais... Y'a plus de magie. Bah, attends, quoi, tu vois, la séquence de séduction dans Casino Royale est pas mal. Oui. J'adore. Alors, tu laisses un peu de suspense. Oui. Elle me dit ça, mais puis je vais tout trouver. Non, mais tu laisses un peu de suspense. Moran. What? Et là, c'est Michel Legrand qui chante. Ouais. C'est pas Moran qui chante à l'origine. Moran, ça le ferait bien. C'est très récent, d'où la voix de Michel Legrand qui est pas... C'est pas sa comédie musicale qui s'est foirée, là? Non. Enfin, il l'a fait en comédie musicale, mais c'était pas ça, là. Enfin, il l'a fait en... Enfin... Demoiselle de Rochefort? Non. C'est récent. Ah non, ah non, je crois pas qu'il l'ait fait. Non, effectivement, c'est Demoiselle de Rochefort qui l'a fait, qui l'a refait sur scène. Ça? Non, c'est pas plus bon, ça. Bah ouais. Mais quand tu dis en fait, moi je pense que j'ai fait avec mon temps. Je me suis dit, attends, ça pourrait être les 3 places pour le. Je me crois pour le 26, c'est le montant en fait. Non, mais je crois que c'est les Demoiselles Le Rochefort qui l'a refait de manière récente. Ouais, je crois. Ouais, ouais. Je sais pas, mais en tout cas, ce thème-là est culte, ouais, ce thème. Oui, là, je reconnais. Mais Jack, ça me pète les oreilles, la version originale. Je trouve qu'elle passe tellement bien à Moran au lieu de Donoff qui a une voix très haut perché. Ouais. Mais c'est pas Deneuve qui chante, c'est des chanteuses qui chantent la place de Deneuve et d'Orléac pour les parapluies, pour les demoiselles. Ouais. Mort l'année dernière, pardon. Feu Moran. Crise cardiaque. Hop. C'est quand même très jazzy, hein, tout ce qu'il fait. Hein. Bah oui, toujours. Genre, on peut jouer. Il y a certains morceaux, ça, c'est limite un peu soul, mais... Bon. On pourra dormir. C'est vrai. C'est bon pour dormir. Bah oui. Moi je veux pas la dormir. C'est vrai? Ouais, attends, laisse un peu. Un indice, c'est quoi la musique? Un indice? C'est pas Codan? Non, c'est pas Codan. Putain, j'ai entendu Codan. Putain, Conan avec une musique pareille. Oui, Catherine Deneuve avec une épée. Codan et Codan. Il faut vendre ça à Catherine Deneuve, je suis sûr qu'elle a le même. C'est vrai que tout ce que tu retiens après, c'est une comédie musicale. Qui? Je vais bien choisir une comédie musicale. Il n'y a pas fait rien pour nous. Non, mais je vois pas. Attends, il essaye les films d'horreur là, c'est dingue. Un indice. Bah, c'est aussi un couple mythique aussi à l'affiche. À l'affiche. Non, c'est pas la story. C'est. Le mec est un acteur français. Ah. Je t'en connais. Pas du tout. Il est encore vivant. Il est devenu insupportable et complètement facho, mais... Ah, Delon. Oui, voilà. Pourquoi quand j'ai dit insupportable et complètement Alain facho... Mireille Dark. Non, pas Mireille Dark. Alain Delon et comment s'appelle, Robbie Schneider? Ouais. La piscine? Ouais. Ah. Beau. Joli. Et donc, hop là. Ah bon, bon, bon. Ça, je connais rien. En vue, je suis français, moi, je suis totalement à l'ouest. Voilà, normalement, Nio. Oh merde, attends. Enfin. Attends, je l'avance un peu parce que. J'aime bien qu'il y ait. Il y a un petit côté guitare, tout ça, ça devrait t'aiguiller. C'est pas juste d'appli? Non, pas du tout. J'avais son nom, mais je suis aussi. C'est un film dont t'as parlé en fait. Sophie Marceau. Pas du tout. Ah non, c'est un film américain. Je pense que. Voilà. Mais moi, quand même, je ne connais pas une façon chantée. Moi, je connais l'instrumental, moi, du film. Donc, je me disais, merde, je me suis juste qu'il y a un autre truc derrière. Ça, hein. Et justement, il y a un côté très hippie parce qu'en fait, la jeune fille, c'est une hippie. Ouais. Et là, c'est pas le voir, c'est peut-être instrumental. Ouais, mais grave. Bah, 2 points pour Nio. Et une petite dernière, et ça devrait être méga facile. Et t'es une fois l'espace. Voilà. Est-ce qu'il a pris instrumental? Ouais, mais c'est... Non. What? La version américaine. C'est le bossette. Non, Virginia V. Ouais, ouais. Je l'ai aussi sur le disque, ça est tombé sur le deuxième disque. D'accord. La version... Elle chantait par elle, c'est la version un peu la coco qu'on connaît, c'est la version instrumentale qui est magnifique aussi. Mais la version française. Elle fait tellement disco celle-ci. Ça, c'est un morceau. La version française, c'est un morceau à écouter avec un gros pétard. Et bah la version française. Pétard, pas forcément. Dédicace à mon frère, qui dit qu'il va entendre ces trucs-là. L'infini. Oh, j'adore. Comme un grand univers. Attends, les paroles sont géniales. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Plus bel hommage à Claude François par Michel Legrand. Il n'y a pas terminé. Voilà. Avec un comment ça s'appelle, un chanteur québécois. Et on le reconnaît parce que Momo il fait la la la la la. C'est fini pour moi. Sur ce, bon bah écoutez, on a passé une super émission, il est déjà 1h du mat. Oh, t'es gentil toi. Pas, ça. Je vais boire un café quoi. Ouais, ça peut faire plaisir. Prochaine émission, on va parler des films de Daron. On va parler des films qui ont fait ton enfance dans les années 30. Et ça, oh non, on garde un peu de suspense, on dit rien. Il n'y a pas de suspense, c'est on donne juste un indice. Soyez là pour le prochain. Agnès Varda nous a quittés récemment, en mars 2019. Comment résumer Agnès Varda en quelques mots si ce n'est la traduire par des généralités? Varda, comme tout le monde le sait aujourd'hui, c'était avant tout une féministe avant l'heure. Le cinéma féminin, ça existe de plus en plus. Oui, on est différente des hommes en tant que femme et vraisemblablement en tant que cinéaste. Mais il ne faudrait pas que socialement ce soit perçu. Socialement, il faudrait que les gens aillent voir des films. Bon, bon film, mauvais film, ça c'est leur goût de le savoir. Au fond, il ne devrait pas savoir tellement si c'est une femme ou un homme qui l'a fait. Quand il y eut le 5 avril 1971, le manifeste des 343 salopes, elle fut l'une des 343 assignées pour montrer et témoigner ouvertement qu'elle avait avorté. Cette expérience se retrouve dans son film « L'une chante, l'autre pas », où l'on suit le parcours de deux femmes, une qui justement revendique de jouir pleinement de son corps, quand l'autre, avec ses enfants, supporte la société avant de retrouver cette amie qu'elle avait vue il y a très longtemps, cette amie d'enfance, et de refaire un parcours avec elle. Tout le film peut se voir comme une quête initiatique que aussi bien les hommes que les femmes peuvent apprécier. Mais Varda, ce n'est pas que ça, et il serait dommage de la réduire juste à une fonction ou un statut social. Varda, c'était avant tout aussi la fiction qui rencontrait le documentaire. En témoignent deux de ses films les plus appréciés que, encore aujourd'hui, les films principaux comme Cléo de 5 à 7 en 62 ou Le Bonheur en 64-65. J'ai vu la joie pour vous deux. Le bonheur, ça s'additionne. Agnès Varda a été rattachée brièvement à la Nouvelle Vague. Or, ce n'est pas tout à fait exact. La Nouvelle Vague, on le sait, c'était avant tout Truffaut, Godard, Chabrol, Romer. Mais Varda, comme d'autres, faisait partie d'un petit cercle d'amis. On pourrait citer Varda, Jacques Demy, que deviendra son mari ensuite par la suite, Alain René, Chris Marker. Cinéaste en dehors de la Nouvelle Vague, ami avec celle-ci, mais qui ont des projets, à mon sens, beaucoup plus expérimentaux, avant-gardistes, originaux, décalés, et peut-être même beaucoup plus frais, même si je ne renie en rien les premiers Truffaut que j'aime beaucoup. On pourrait aussi évoquer Varda pour ses documentaires, dont les plus récents comme Visage Village avec J.R., était un vrai retour après une petite période où on n'entendait plus parler d'elle, ou bien encore récemment, avec la causerie qu'Agnès Varda a livrée en 2 parties qui est visible sur le site de Arte. Bref, Varda, c'est tout ça, et bien plus encore. La fiction, le documentaire, mais surtout avant tout, un portrait de la vie, avec tendresse, chaleur, et beaucoup de générosité humaine. Où elle n'hésitait d'ailleurs elle-même pas à se moquer d'elle-même, telle qu'on la connaît. Bref, la petite Agnès était très grande. J'ai mis les mosaïques. I'm slightly shy and delighted to hear all these beautiful words about me. Yes. It makes me feel good. I have to say.